43e chapitre. Une intéressante partie de campagne. Le bourg Shah Zadeh Abdul Azim. Les ruines de Rajesh. Le cimetière des Guèbres. Pour me faire connaître les environs, je fus invité à une partie de campagne dans le but de visiter l'emplacement des ruines de l'antique ville de Rajesh, nommée aussi Rai ou Rei. Nous quittâmes Téhéran en voiture et nous parcourûmes la nouvelle chaussée où est situé un petit palais. Le Shah s'y arrête lorsqu'il va en pèlerinage à la célèbre mosquée Al-Shejera. Cette chaussée, dont il a été déjà question, fut construite lorsque Nasser Eddin revint d'Europe. Les travaux commencés le 10 mars 1874 furent achevés au mois de juin de l'année suivante. Une grande cérémonie eut lieu lors de la pose de la première pierre. Les abords du chemin étaient pavoisés et une foule compacte se tenait sur les remparts de la ville, regardant ce spectacle nouveau pour elle. À 2 heures de l'après-midi, un grand chariot chargé de pierres fut amené tout couvert d'oriflammes. Yahya Khan, ministre de la cour, s'avançant, prit une pierre qu'il plaça sur la route. Puis il fit une invocation à Allah pour la protection des travaux décrétés par le Shah. Après un discours très applaudi, il consolida avec une truelle et un marteau la première pierre de la première chaussée établie en Perse. Une inscription gravée en lettres d'or sur du marbre blanc rappelle cet événement. Note. En voici la traduction. Sous le règne de Sa Majesté, le Shah Insha Nasser Eddin de la dynastie des Qadjar, avec l'appui et la protection de Son Altesse Haji Mirza Hussein Khan, Muchir El Daoulé, cette première chaussée de l'Iran a été construite. Son Excellence Yahya Khan, Motemed El Mulk, vizir de première classe, en posa solennellement la première pierre le 15e jour du mois de Rebi Oul Revel. Le baron de Normand ajouta les travaux de construction. Fin de note. Elle se trouve sur le frontispice d'une petite fontaine où viennent se désaltérer les nombreux pèlerins qui, pour se rendre au bourg de Shah Zadeh Abdul Azim, traversent une immense plaine aride. Note, Shah Zadeh signifie « descendant de souverain ». Fin de note. Dans cette localité, au sud et à 5 km de Téhéran, s'élève la mosquée Al-Shejera, objet d'une grande vénération. Comme il est défendu aux chrétiens d'en approcher, je ne pus juger que de loin de la beauté de l'édifice. Il est surmonté d'un dôme très élevé et resplendissant qu'on dit être en or pur. Ce point brillant qui se détache sur un ciel d'azur scintille d'un vif éclat et se voit de fort loin. Il est dominé par le pic du Démavant, gigantesque pyramide naturelle dont le faîte couvert de neige est d'une blancheur éternelle. La mosquée renferme le corps du cheikh Abdul Azim, fils du 7e imam Moussa Kazim, mort en 1044. À cette époque, les Seljoucides fixèrent leur résidence dans la ville de Rei, sur l'emplacement de laquelle se trouve le bourg Abdul Azim. Le tombeau du saint devint un but de pèlerinage qui est encore fort vénéré de nos jours. Il est placé sur la route que suivent les caravanes se rendant de Téhéran à Ispahan, et aucun musulman ne passe sans faire ses dévotions au pied de ce sépulcre. Omettre ce pieux devoir serait affronter un voyage sûrement néfaste. Le bourg Abdul Azim, qui porte le nom du saint de l'endroit, est une oasis de verdure au milieu de la plaine déserte qui s'étend à perte de vue. De grands jardins, des vergers superbes entourent les maisons. Ce lieu qui attire beaucoup de fidèles est en même temps un rendez-vous de promenade. l'influence des pèlerins, surtout, est une source de bénéfices pour ses habitants. Le jeudi soir, veille de la fête des musulmans, et le vendredi, il y a foule. Riches et pauvres, jeunes et vieux, se croisent dans la mosquée. La bourgade a ses caravansérails, ses bains, ses bazars. L'eau y est amenée par d'anciens aqueducs. À proximité dans la plaine et à 1 kilomètre environ de distance l'un de l'autre, on aperçoit 2 bas-reliefs sculptés dans la roche. L'un, au nord, représente Fête Ali Shah à cheval, en face d'un lion. Sur l'autre, on le voit assis sur son trône, entouré de plusieurs de ses fils et de ses ministres. Note. Ce cadre taillé dans la pierre ressemble au bas-relief commémoratif qui se trouve sur la route du Mazan des Rangs, représentant Nasser Eddin, Shah et ses vizirs. En Perse, le temps ne modifie guère les usages qui se perpétuent presque sans aucun changement. Fin de note. Au bas du roc jaillit une fontaine. Cette pierre commémorative qui rappelle l'exécution d'un travail fait sous le règne de Fête Ali Shah se trouve près des ruines que nous allions visiter. L'ancienne ville biblique Rares, une des principales de la Médie, est enfouie sous des tas de poussière amassées par les siècles, formant des ondulations couvertes d'une croûte de terre où l'herbe croît, ça et là. Ce sol inégal rappelle les environs de Rome et d'Athènes que les savants fouillent avec tant de soin. L'emplacement de Rares n'a pas encore éveillé la curiosité des archéologues, malgré tout l'intérêt qu'il y aurait à interroger ces ruines. Elles partent du pied de l'Elbrouz et couvrent une superficie de plus de 2 km du nord au sud et de 2250 mètres de l'est à l'ouest. Ce terrain tourmenté n'a rien de pittoresque. Le sol y est jonché de débris, parmi lesquels de minimes fragments de briques émaillées. Sur un rocher isolé, on voit des vestiges de murs et de tours portant des traces de maçonnerie en blocage. Le monticule le plus élevé, nommé Kala'i-Rei, citadelle des Rei, couvre, dit-on, l'ancienne acropole. De tous côtés, on trouve des restes de bâtisses en briques cuites au four. Les habitants de Téhéran ne se font aucun scrupule d'employer ces décombres pour construire leurs habitations. Note. Rares. Toubi part de Rares lorsque, 7 siècles avant Jésus-Christ, il vint faire un voyage miraculeux dans cette contrée. Diodore et Strabon mentionnent le territoire de Rares comme un des plus fertiles de la Médie et citent la ville au nom des principales du pays. S'il faut en juger par 2 tours, encore en partie debout, d'une architecture fort originale, la brique et non la terre battue comme aujourd'hui était employée à cette époque. Une de ces tours, de forme circulaire, passe pour avoir été un oratoire des guèbres. Elle a 16,60 m de diamètre à l'extérieur et 11,10 m à l'intérieur. Sa façade est formée de cannelures triangulaires, c'est-à-dire formant des zigzags qui se termine par 3 rangs de voussures superposées, soutenant une frise où l'on remarque les restes d'une inscription en caractère kufique. La partie supérieure ne forme qu'une ruine. Elle a 2 portes, l'une à l'ouest encadrée d'un chambranle dont la corniche rappelle le style arabe, est en fort bon état. De l'autre, à l'est, on ne voit plus qu'une voussure. L'escalier en spirale conduisant au haut de la tour, se trouvant dans l'épaisseur du mur au-dessus de cette porte. Il n'existe plus, mais la place est indiquée. La tradition rappelle que l'on arborait un drapeau rouge en haut de cette tour pour annoncer aux habitants les victoires remportées sur les ennemis. Des pans de murs ébréchés entourent cet ancien édifice. L'autre tour, bien conservée, défendait, dit-on, l'entrée de la ville. On y lit également une inscription en caractère kufique composée avec de petites briques. Cette tour moins grande que la première mesure 11,85 m de diamètre à l'extérieur sur une hauteur de 12 mètres. Il n'y a plus de voûte, mais on voit les traces de deux escaliers percés dans le mur. Ces bâtisses datent de l'époque musulmane, seconde période de la splendeur de Rei, construite sur les décombres de Rares, jadis aussi remarquables qu'Ecbatane, Persépolis et Babylone. Au regard du voyageur, rien n'indique que sur cet emplacement s'élevait cette cité si célèbre en Asie et dont l'histoire se perd dans la nuit des temps. Sous les Arsacides, 224 avant Jésus-Christ, Rares prit le nom d'Arsacia. Lorsqu'Alexandre le Grand vint en Perse, il s'arrêta 5 jours à Rares, d'où il se rendit à Ectabane, à la poursuite de Darius. Note. Sur l'emplacement d'Ectabane se trouve aujourd'hui la ville de Hamadan. Fin de note. Après le partage des conquêtes du Macédonien, la ville gagna en importance et devint alors la résidence d'été des rois de la famille des Arsacides qui, en hiver, habitaient Babylone. Les Séleucides, après la mort d'Alexandre, érigèrent 3 autres cités à proximité de Rares. Strabon parle d'elle et nomme Rares Europos, dénomination qui ne lui est pas restée. Les 3 autres sont Laodikea, Apamea et Héracléa, dont on retrouverait peut-être les traces en faisant des fouilles. Dès le 1er siècle de l'islamisme, Rares avait pris un grand développement. À cause de son antiquité ou de son importance, on l'appelait Sheikh al-Belad, matrone des villes, et plus tard Ummi Bilad, Iran, maire des contrées de l'Iran. Note. Géographie de Karl Ritter. Fin de note. Lorsque les Sassanides, fondateurs du Second Empire persan, fixèrent leur résidence au nord du pays, l'ancienne Rares perdit de sa splendeur. Elle fut détruite par les Arabes en 632 après Jésus-Christ. Reconstruite par Aboul Faran, elle prit le nom de Nouvelle Rares ou Rai. Note. Pendant la domination arabe, le nom de Perse disparaît pour être remplacé par celui d'Iran. 652 1238. Les Sassanides furent renversés par les Arabes. 652. Fin de note. Plus tard, elle fut agrandie par le calife Mahdi qui la nomma Mahamédia. En 863, un violent tremblement de terre la détruisit, mais elle fut de nouveau rebâtie. En 984, elle devint la propriété des Samanides qui, comme d'autres chefs, avaient créé des états indépendants en Perse après s'être révoltés contre les califes arabes. Tombés au pouvoir des Seljoucides en 1044, ces princes s'y établirent. C'est de cette époque, comme je l'ai dit plus haut, que la ville de Rei devint un but de pèlerinage grâce au tombeau du cheikh Abdul Azim. En 1220, partageant le sort d'autres villes persanes, Rei fut prise par les Moghols et détruite par Kazan Khan. Mais elle ne devait pas disparaître encore et fut relevée en 1427 par le Shah Rokh, sultan de Herat qui y résida quelque temps. Les auteurs de l'époque, parlant de la splendeur de Rei, la décrivent comme étant, après Bagdad, la ville la plus peuplée de la Perse orientale. Elle passe pour le lieu de naissance de Zoroastre. Note. Zoroastre, en persan, Zerdost, paraît signifier astre d'or. Réformateur de la religion des anciens persans, il vivait à une époque incertaine, du 13e au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ses doctrines dites Nasq ou Nasqas formèrent le livre nommé Zend Avesta, paroles vivantes ou paroles de la vie. Fin de note. De même que plusieurs villes de la Grèce, se disputent l'honneur d'avoir vu naître Homère. De même, un grand nombre de cités persanes réclament la gloire d'être la patrie du fondateur de la religion du feu. Il ne reste plus rien de Rhéi, qui avait autrefois de magnifiques palais, des bains splendides, des bazars somptueux, des écoles sans mosquée, des aqueducs, des minarets, des caravansérails nombreux, des glacières, des moulins, des milliers de maisons. Note, voir la géographie de Karl Ritter. Fin de note. Ces trésors enfouis viendront peut-être un jour enrichir la science comme ceux de l'antique Pompéi. Mais il y aurait bien des difficultés à surmonter avant d'obtenir l'autorisation de faire des fouilles. Les Européens qui les entreprendraient seraient censés ne chercher que de l'or et de l'argent et non les vestiges d'une époque disparue depuis tant de siècles. D'après certains auteurs, Rhéi était nommé aussi Rhéi-Téran, la propre. À cette époque, la capitale actuelle n'était qu'un faubourg de la grande métropole. Celle-ci, dit-on, a fourni le premier noyau de la population de Téhéran. Rhéi passe pour être le lieu de naissance du calife Haroun al-Rachid, contemporain de Charlemagne. Un grand nombre d'hommes illustres y sont nés, entre autres le médecin Razi, très connu en Perse. Rhéi a eu aussi ses chantres. On cite l'un d'eux qui a écrit une satire en vers composée de 12 chants dont chaque strophe se terminait par le mot Rhéi. Ce sol historique est entouré de gorges et de collines très giboyeuses. Plus loin s'étendent de vastes plaines dont l'horizon paraît infini comme la mer. En s'éloignant de l'emplacement de Rhéi, on découvre entre les hauteurs voisines un mur formant l'enceinte d'un grand enclos de forme ronde qui n'a pas de porte d'entrée. C'est le cimetière des Guèbres. Note, ce cimetière fut construit aux frais d'un guèbre de Bombay. Les musulmans nomment en général Ghebre, infidèle, tous les peuples qui ne professent pas l'islamisme. Mais ce mot s'applique particulièrement aux sectateurs de Zoroastre. On les appelle aussi Parsis. Ils sont originaires de Fars ou de Farsistan. Les fossoyeurs, ou plutôt les porteurs de mort, vont au moyen d'échelles déposer les cadavres tout habillés dans ce champ de repos. Ils les exposent là, à la merci des oiseaux de proie qui viennent les déchiqueter par lambeaux. En été surtout, cet enclos répand une odeur putride. En hiver, les oiseaux n'en approchent pas, les corps étant gelés. Pour voir ce lieu funèbre, on me fit gravir un monticule qui le domine. Je dus marcher sur des ossements blanchis et des fragments de crânes humains qui jonchaient le sol. Je ne vis qu'un seul cadavre, le dos appuyé au mur. Il était là, me dit-on, depuis 3 mois. De loin, il ressemblait à un mannequin habillé. Je renonce à décrire l'impression que me produisit cette vue. On me raconta qu'un curieux, ayant un jour grimpé au-dessus du mur, entra dans le champ des morts. Un mauvais plaisant retira l'échelle et le malheureux ne put sortir. Il fut obligé de passer la nuit au milieu des cadavres, attendant qu'on vînt le délivrer. Heureusement pour lui que le lendemain même, quelques Européens venus de Téhéran, en partie de campagne, l'aperçurent et le tirèrent de ce mauvais pas. Au premier abord, ils crurent avoir affaire à un ressuscité. Par un singulier usage qu'explique seule la beauté du site, des pique-niques ont lieu au pied de l'enceinte mortuaire, endroit assez mal choisi pour de telles parties de plaisir. Aussi, je ne pus me défendre d'un mouvement de répugnance lorsque mes amis m'invitèrent à prendre part au déjeuner servi sur des tapis recouvrant des ossements éparpillés sur le sol. Le nombre des guèbres en Perse est restreint, 7 ou 8 000 environ. Il y en a fort peu à Téhéran. Ils sont disséminés dans tout l'empire persan. la religion qu'il professait a vu disparaître la plupart de ses adeptes. Elle s'étendait autrefois presque sur tout l'Iran. De nos jours, les adorateurs du feu sont traités en inférieurs par les persans musulmans, devenus leurs maîtres. Ils attendent pour les délivrer un messie ou prophète que les disciples de Zoroastre nomment Péchoten. Ce libérateur doit rendre à la religion son antique éclat et la prospérité aux sectateurs, presque tous dans l'indigence. Dans certaines localités, les guêpres professent en secret leurs croyances pour échapper aux persécutions des fanatiques musulmans qui les maltraitent. Ils s'entraident et ont certains signes pour se reconnaître. Comme la plus grande partie des sectateurs en Perse, ils forment une franc-maçonnerie secrète. Les guèbres permettent aux femmes de se montrer sans voile à leurs coreligionnaires, mais non aux persans. Les adeptes de Zoroastre, opprimés en Perse, émigrèrent en grand nombre aux Indes, où ils sont encore fraternellement accueillis par les riches marchands parsis. Note. Il y a quelques années, un guèbre, sujet anglais, natif de Bombay, résidant à Téhéran, reçut de ses coreligionnaires une somme assez considérable pour établir dans cette ville une école et un hôpital y attenant. La maison fut bâtie et l'école prospérait lorsqu'elle fut fermée faute de fonds. Le guèbre, à qui l'argent avait été confié, en prêta une grande partie à un gouverneur de Mazandéran qui mourut sans le lui rembourser. Un Français loua la maison et y établit un petit hôtel, ou plutôt un café-restaurant. J'étais logé chez lui. Le prix du loyer est distribué aux guèbres indigents de la capitale. Fin de note. Actuellement, la majeure partie réside dans la ville de Yezd, qu'ils considèrent comme leur patrie. Même dans cette localité, un guèbre, quel que soit son rang, doit descendre de son cheval s'il rencontre un persan. On les reconnaît à leur costume et ils habitent un quartier séparé des autres sujets du Shah. Note. À Téhéran également, les guèbres habitent un quartier à part. Fin de note. Ils sont en général agriculteurs ou marchands. À Yezd, ils ont deux temples du feu et un dans chacun des 8 villages où ils sont établis à proximité de la ville. Ces sanctuaires sont ouverts à tous les vents et dans un endroit sombre brûle le feu sacré conservé sous des cendres sur un autel de pierre. Note, à Daman, au nord de Bombay, les Parsis conservent encore depuis plus de 1200 ans le feu sacré qu'ils ont apporté de la Perse quand les musulmans les contraignirent de s'exiler. Bouillet, Dictionnaire universel d'histoire et de géographie. Fin de note. Aux environs de Yezd, il existe 2 lieux de pèlerinage où ils prétendent que 2 filles de leur dernier roi se trouvent ensevelies entre des rocs qui s'ouvrirent par miracle pour les sauver des poursuites ennemies. Ils professent une grande vénération pour la mémoire de ce roi nommé Yezdi Jind. C'est de l'époque de sa mort que remonte leur ère. Pour eux, l'année commence au printemps. Les mois qui portent des noms d'anges ont 30 jours et les 5 jours au-delà des 360 ont chacun un nom spécial. Il y a 5 fêtes chaque mois. Le clergé guèbre est divisé en plusieurs classes. Le dislekoos est le grand prêtre. Puis vient le moabib et le destéhar qui est sous ses ordres. Lorsque le Moabib va dire les prières ou bénir un repas, il place devant lui du feu, de l'eau bénite et une plante nommée Hom, qui se trouve dans le désert. Note, c'est le Soma dont parle les Védas, livre sacré des hindous. Fin de note. Les livres sacrés, le Zend Avesta et le Desater, sont sous sa garde. Note. On prétend que ces livres écrits par Zoroastre furent perdus lors de la fuite des adorateurs du feu aux Indes, où un Polonais les retrouva et en fit une traduction. Fin de note. Le feu sacré est entretenu par des ecclésiastiques nommés Hirred. Un jour par semaine, les guèbres ne mangent pas de viande. Ils sont aussi superstitieux que les mahométans. Le coq et le chien sont considérés par eux comme préservatifs des mauvais esprits. Ils offrent en sacrifice des bœufs et des moutons et prient 5 fois par jour en regardant le soleil qu'ils regardent comme l'emblème de Dieu. À 14 ans, les enfants des guèbres deviennent membres de la communauté à la suite d'une cérémonie célébrée joyeusement. À cette occasion, ils reçoivent une ceinture bénie par le Moabib. Fin du 43e chapitre.